Je n'arrive pas à m'attacher, je n'arrive pas à m'attacher. Oh, c'est un problème, c'est un gros problème. C'est un problème, c'est un très gros problème. Je n'arrive pas à m'attacher, je vais encore tout gâcher. Dès que je vais cracher, je vais tout lâcher. Salut, elle croit que je vais tout lui acheter, t'as vu. Miskina, faut au loin de moi. Au loin de moi, happy navigant solo. Mes sentiments jetés en mer. La patek filée par le chrono. Je voulais juste m'envoyer en l'air. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, non. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, pardon. Dulcine veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et les rageux chez le kiné. Dulcine veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et les rageux chez le kiné. Malgré tout, je respecte tout. Tu le sais si t'as croisé ma route. Malgré tout, je respecte tout. Tu le sais si t'as croisé ma route. Elle a cru au Père Noël. Au sac Chanel nous a noté. Elle veut le hlel, la panoplie. Ma liberté n'a pas de prix. Ma mère m'a dit sois un bonhomme, allez. Y'en a marre que tu les dégages. Tu étais peut-être la bonne. Mais j'en ai déjà une qui passe le balai à tous les états. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, non. Je ne t'aime pas à la folie. Je ne t'aime pas à la folie, pardon. Dulcine veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et les rageux chez le kiné. Dulcine veut aller au ciné. Je vais lui péter le dos et les rageux chez le kiné. Miskina, miskina, qu'on l'a de moi. Qu'on l'a de moi. Happy navigant solo. Je ne t'aime pas à la folie. À la folie. Je t'aime pas à la folie, non, non. Je t'aime pas à la folie.